L'actualité à Nancy et ailleurs. Deux jours de musique, de danse et d'animation, ça se passe à la Pépinière et c'est Nancy Sound City. Pour nous en parler, Seb de Contact Prod. Bonjour Seb. Bonjour Yves. À deux jours maintenant de l'événement, comment ça se passe ? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. On est sur le site de la Pépinière, donc sur le site de l'auditorium de la Pépinière. Donc nous sommes en train d'installer le bar et en train de mettre en œuvre toute la logistique pour accueillir au mieux les familles, les copains, les touristes pour ces deux jours de festivités donc de samedi et de dimanche. Et ça se passe plutôt bien. On travaille sous un ciel gris, mais il ne pleut pas. Donc c'est déjà agréable. C'est déjà ça. Donc cet événement, c'est la troisième édition et c'est Contact Production qui est à l'origine de ce rendez-vous dans 600 de City. Alors, c'était quoi l'idée de départ ? Alors, l'idée de départ, donc on voyage souvent en Allemagne et puis on aime bien fréquenter ce qu'on appelle les Biergarten. Donc, le principe, c'est de se donner rendez-vous en famille, entre copains, dans un parc. Donc, c'est dans l'esprit bavarois. Hein, les Biergarten sont nés en Bavière. Donc, on se réunit en famille, on boit de la bière avec modération, on mange une Currywurst. Pendant ce temps-là, les enfants s'amusent dans les jeux qu'il pourrait y avoir autour. Et nous, on a rajouté cet élément musical avec nos amis DJ pour animer ces deux jours. Cette ambiance bavaroise qu'on va retrouver ce week-end au parc de la Pépinière avec, tu l'as dit, cette touche personnelle, hein, la musique, les DJ et puis aussi quelques performances street art. C'est bien ça. Donc, on rajoute également du graffiti. Hein. C'est un peu la touche supplémentaire qu'on a donc chez Contact Prod. Donc, avec des amis graffeurs qui vont performer en live, hein, donc sur la scène de l'auditorium, donc la scène en dur, donc sous la bulle, hein, la belle bulle qui est utilisée pour le NJP. Donc, voilà, deux jours de prestations. Donc, avec le ASM Crew, qui est un collectif nancéen de graffeurs et qui vont performer en live pendant ces deux jours. Et si c'en est déjà la troisième édition, c'est que ça marche? Ces deux premières se sont bien passées? Les deux premières éditions se sont très bien passé. À chaque fois, on a eu une météo qui était plutôt clémente. Donc, on a eu pas mal de monde, de très bons retours, que ce soit pour retour des parents, parce que donc il y a des ateliers pour les enfants. Donc, c'est quand même très intéressant pour les enfants. Non, vraiment de très bons retours. La municipalité également nous fait confiance et a inscrit donc cet événement dans son agenda culturel. Donc, on espère revenir encore de nombreuses années. Exactement. Et côté musique, alors quel style de musique on va pouvoir retrouver ce week-end? Alors, le style de musique, bah, ça va de la funk en passant par le disco, le reggae, la house music. Donc, on va pas passer de la musique techno, hein, même si chez Contact Prod, on adore ça, mais c'est plus une musique de nuit, la musique techno. Donc, ce sera plus une musique dans l'esprit house music, disco, musique black, musique du dance floor. Quelque chose de très sympa et puis accessible à toutes les oreilles, hein, même pour les personnes qui viendraient un petit peu par hasard, se promener dans le parc, entendraient ces notes de musique et viendraient nous rejoindre. Donc, une musique qui soit accessible à tous. Donc, un grand événement, deux journées très conviviales à venir donc en famille. Les enfants, bien sûr, seront les bienvenus. Hein, vous leur prévoyez quelques animations aussi. Oui, c'est ça. Donc, pour les enfants, donc, on va avoir différents ateliers, que ce soit l'atelier de Scratch avec nos amis des Gratte-Disques. Donc, c'est un stand d'initiation au Scratch sur vinyle, mais également sur les techniques numériques. Un atelier également de skate, mais sur ressort. Donc, pour travailler l'équilibre, on va éviter de sortir les skates à roulettes pour éviter les blessures des enfants. Donc, ce sera du skate immobile, mais ce qui permettra de travailler l'équilibre. Également, des ateliers de construction de fusées hydrauliques, des réservoirs d'eau sous pression, avec une propulsion ensuite dans les airs de la fusée. Également du trampoline, de la peinture sur vinyle, de la peinture sur skateboard. Donc vraiment, pour les enfants, il y a beaucoup de choses. Donc ils seront bien encadrés avec des professionnels aguerris pour surveiller et pour dispenser ces activités. Nancy Sound City, ça commence bien ce samedi 4 mai à partir de 15h, donc sur le site de l'auditorium dans le parc de la Pépinière à Nancy. C'est gratuit. Et Contact Prod, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Vous avez très régulièrement des rendez-vous que vous proposez. Vous avez déjà d'autres projets dans la boîte? Alors, Contact Prod, effectivement, on propose depuis plus de 20 ans des activités. Hein, donc, on a passé les 45 ans. Donc, ça y est, on commence à être des anciens. Donc, on fait des événements à la fois pour les familles, pour les enfants, mais également des événements de nuit. Donc là, la prochaine date, une fois qu'on aura fini ces festivités, nous irons jouer au Festival Bon Moment, qui est organisé par l'autre canal. Donc là, nous serons à la direction des directions artistiques, programmation avec nos amis des TRT, les Turbo Racing. Nous sommes à la programmation du petit club, donc du club de l'autre canal. Donc ça, c'est dans 15 jours, 3 semaines. Donc ça, c'est la prochaine étape. Également des festivités au jardin botanique et puis encore plein d'autres choses, mais voilà, on dévoilera petit à petit nos projets sur les réseaux sociaux ou dans la presse ou par le biais de Faget. Bien sûr, Facebook, Insta pour suivre votre actu. Et déjà, oui, on va à votre rencontre ce week-end au Parc La Pépinière. Merci beaucoup, Seb. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Puis voilà, on vous attend nombreux ce week-end. Ils annoncent du beau temps, donc ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de soleil. Venez nous rejoindre, on va festoyer tous ensemble. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Faget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.